Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans le Roquefort Show, émission du 12 octobre, oui, monsieur, madame, mademoiselle, 12 octobre 2017, ce soir, émission spéciale Rising Fest, numéro 6, et nous recevrons deux invités. Nous aurons l'organisatrice du Rising Fest 6, et nous aurons Zed, de Zed Family, ouais, qui a sorti son album le 5 la semaine dernière, puisqu'ils étaient en release party. Et nous, le 5, là, on était avec Dreamcatcher, qui eux seront en release party bientôt. On vous en reparlera durant l'émission. Mon cher Tom, bonsoir. Ouais, tu parles de Zed, moi je suis A. Et Tom A. Bon, bref, voilà. Ah ouais, bah, il faut bien commencer par quelque chose. Bonsoir, Phil, ça va? Bonsoir, Tom, ça va très bien. Vous entendez bien? Vous avez un bon retour? J'ai un bon retour dans mon casque. Tout va bien, vous êtes bien installé. J'ai mon casque à pointe. Confortable. Ouais. Voilà, Et puis, je voulais en profiter, puisque ce soir, nous n'avons pas de groupe canadien à diffuser. C'est ballot, mais... C'est moche. Hein, c'est moche. Eh bien, on va dire bonjour quand même à patron. Le patron, c'est Eric Flynn. Bonsoir à toi. Bonjour, on en profite pour dire bonsoir à tous les Québécois, à tous les Canadiens, à tout le monde, quoi. Et puis voilà. Hein. On va vous faire un petit débrief aussi de ce que l'on a entendu en ouverture d'émission. Il s'agissait de Dagoba. Alors, c'est marrant parce qu'on reçoit... Enfin, on a Dagoba en ouverture d'émission et on a l'ancien guitariste de Dagoba qui va répondre à nos questions. C'est cool ça, non? Hein? C'est un peu un pied de nez. On est très corporate. Non, c'est tout simplement parce que Black Bomba est en concert, surtout à Paris. Non, Dagoba, pas Black Bomba. N'importe quoi, Dagoba. Ça commence bien. On t'en veut pas, Mais c'est bien parce que c'était pour voir si tu suivais. Oui, non mais j'essaie de te surveiller parce qu'il y a eu... T'es fatigué aujourd'hui? Ouais, hein, ouais, je suis très fatigué. Concert le 13. Le 13, c'est donc demain. Hein, oui, avec 13, Betraying the Martyr. Et ça sera à l'Alhambra à Paris. Donc Dagoba et Betraying the Martyr. Il y aura peut-être d'autres, je ne sais pas, s'il y a d'autres personnes, tout ça. En tout cas, ce que vous avez entendu de Dagoba, c'était Fire Dies, tiré de Black Nova, sorti chez Sony Century Media le 25 août dernier. L'album est le 8e album, il contient 10 titres, plus de bonus pour ceux qui ont la version limitée. Le groupe vient de Marseille, ils se sont formés en 1997, et il n'y a quasiment plus personne du début, puisque, je sais pas, il y en a plein qui sont partis, Costanza, Zed, enfin bref. Voilà, on en reparlera avec Zed peut-être tout à l'heure, je sais pas. Ce que vous entendez en fond sonore, c'est aussi un groupe qui est en concert à Paris, mais eux, ils seront en concert dimanche, hein, c'est ça, c'est le 15. Le 15 au Gibus Live avec Enthroned, Hate et Nervo Chaos. Nervo Chaos, voilà, donc ce sera au Gibus Live. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur Hate? Eh ben, c'est tiré de leur album Tremendum, sorti chez Napalm Records en mai 2017. Voilà. Nous allons enchaîner sur des nouveautés avant de retrouver la programmation du Rising Fest numéro 6. Nous allons donc commencer avec plein de gens qui sont en concert. Hein. Puisqu'il s'agit de Soen qui sera en concert le 16, c'est-à-dire lundi, à Paris, à La Boule Noire, bien entendu, avec Mater Mortem. Et nous avons deux places à vous faire gagner au 06 81 01 28 34. Il faut juste nous rappeler quels étaient nos invités de la semaine dernière. C'est simple, hein. C'est simple. Donc, vous pourrez gagner deux places pour aller voir Mader Mortem et Soen. Donc Soen que l'on va entendre tout à l'heure avec le morceau Opal tiré de l'album Likaya, sorti le 7/7/2017 chez UDR Records. Yeah. Nous enchaînons ensuite avec 16h. 16h, ouais, non, on va pas la faire la blague aujourd'hui. Donc 16h, tiré de leur album qui s'appelle Poison the Parish, sorti chez Spine Farm Records en mai 2017. Le morceau que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Saviors. Ça, c'est calme, hein, le début d'émission, hein, quand même. Hein, à part ce que vous entendez en fond sonore. Le groupe s'est formé en 2002, 16h, et avant, il s'appelait autrement. Voilà, c'est un groupe de rock grunge. Ils nous viennent d'Afrique du Sud, de Pretoria exactement, et ils seront en concert demain soir au Petit Bain avec Sounds of Texas. Nous enchaînerons ensuite avec une pure nouveauté, puisque pour l'instant, apparemment, vous n'avez entendu qu'un seul titre que l'on vous a passé ici, c'était Two Friends. Et bien maintenant, on va vous passer Attraction Theory, de Attraction Theory, tiré de leur EP 6 titres qui s'appelle Principia. Et aussi pour vous annoncer qu'ils seront dans les studios la semaine prochaine, en direct, ici, là. Ils viendront vous parler, on prendra les photos, tout ça, ça va être génial. Entre Constance et Didier, et puis voilà, ça va être assez sympathique. Ça sort chez Season of Mist le 24 octobre. C'est leur premier EP et l'album sortira en 2018. Le groupe nous vient de Dreux. Ils nous font du métal mélodique moderne, à voix féminine. On retrouve Didier Chéneau, Christophe Babin. Tiens, Christophe Babin. Et monsieur John Macaluso à la batterie. Le groupe s'est formé en 2016 sur les cendres du groupe Headline. Et ils seront en showcase le 24 octobre, en showcase acoustique chez Gilbert Joseph, 35 boulevard Saint-Michel. Alors pourquoi je vous ai dit Christophe Babin ? Tiens, Christophe Babin, ben tout simplement parce qu'on s'est croisés ce week-end, étant donné qu'on a vu l'anniversaire, les 23 ans de Monsieur Patomet, et c'était magistral, énorme, grandiose, fabuleux, féerique, magique, normal. On n'était pas très loin de Brocéliande, et donc la fontaine de Jouvence, c'était là. T'étais à Saint-Brieuc. Oui, c'est mais ça. On était en Bretagne, c'est ouais. Ça que je veux dire. Parce que donc il y a les druides, il y a tout ça en Bretagne, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, hein, oui, parce que bon, quand tu les seras légendes de Bretagne, quand tu seras à la Mézières. Oui, je serai plus près de. Là, tu seras vraiment près de Brocéliande. Oui, oui, oui. Non, mais je sais. Mais c'est pour les contes et légendes de Bretagne, avec toutes ces. T'as vu les menhirs ? Et toutes ces, comment ça s'appelle, ces légendes celtes, tu vois. Et en tout cas, le petit père Patomet, hein, vous savez qui c'était qui était avec lui? Ben, il y avait monsieur Patrick Ronda, il y avait Diabolo à l'harmonica, il y avait également monsieur Ron Tal, qui sera bientôt en concert avec Bumblefoot à Paris. Voilà, que des grands, j'en oublie trop. Il y avait un bagad derrière, c'était franchement. Il y avait un bagad derrière? Ouais. Ça devait être beau. C'était génial. Je te jure, c'était génial. Et le bagad a joué pendant une partie. Non, il jouait sur certains morceaux et tout était bien mis en lumière et tout. Franchement, si vous pouvez aller voir Patomet sur un de ses concerts autre que au PMFF, puisqu'il avait joué au PMFF et ça avait déjà été très apprécié, là il a joué 3 heures, donc 1h30, une entracte d'une demi-heure et hop. On a rejoué 1h30. Crêpes saucisses, galettes saucisses et crêpes caramel beurre salé. Ouais, et il y avait du cidre de pays, du cidre agricole, et il y avait de la petite bière agricole. Buvez avec modération, bien sûr, mais avec beaucoup d'amis. Allez, on part en musique. Si vous voulez avoir plus de détails sur la soirée de Patomet, bah vous allez sur son site, sur sa page Facebook. Vous verrez, il y a des vidéos, il y a des photos. C'est vraiment magnifique. Allez, on s'en va en musique, on vous rappelle le numéro de téléphone. 06 80 01 28 34. Si vous voulez rafler des places de concert pour aller voir Mader, Mortem et Soen. Musique. All right. perceptions, no more lies, no more disguise, no false pretenders. De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30. Ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Ordonogan. Et ils seront en concert avec Rhapsody of Fire de... Non, c'est pas demain soir, c'est après-demain. Attends, non, on est... Non, c'est dimanche. C'est dimanche. Et ce sera au Petit Bain à Paris. Donc c'est 7 ports de la gare. Voilà, si je ne m'abuse... Et nous allons retrouver notre première invitée du soir qui se nomme Nat, Nat Eclipse, pour ceux qui la connaissent, organisatrice entre autres du Rising Fest numéro 6. Nous allons parler avec elle d'un petit peu du programme et surtout de cette magnifique affiche, puisque nous allons retrouver quand même des dieux du métal, hein, des Brothers of Metal. Puisqu'il y aura Monsieur Ross the Boss qui sera accompagné de Rhino à la batterie. Rhino, attention, hein, c'est pas parce que en ce moment l'automne arrive et tout ça. J'ai pas le droit de le faire celui-là. Bon, alors non, je le fais pas alors. Hein. C'est moche. C'est moche. Bonsoir Nat. Bonsoir Phil. Comment vas-tu bien? Ça va? Oh, très bien, très bien. Il commence à faire meilleur là. Bientôt l'été. Hein. Il va surtout faire chaud là bientôt. Alors, comment côté Dijon, on va avoir bien chaud dans quelques jours. Bien sûr, et comment se présente ce 6e Rising Fest? Bah écoute, plutôt bien, heureusement, tant mieux. Très bien même, je dirais en fait. On est bien content parce qu'il n'y a pas eu d'édition l'année dernière, donc là c'est dans une nouvelle salle. Et ça se présente plutôt bien, tout est prêt, on a reçu même les gobelets recyclables cet après-midi, tout est en route, donc ça se prépare, voilà, voilà, on attend, on l'espère plein de monde. Alors, parle-nous un petit peu de ce nouveau site, puisque il y a eu des travaux à la vapeur, tout, oui. Et donc maintenant il s'agit d'un nouveau site qui n'est plus à Dijon même, mais à quelques centaines de mètres, quoi, en fait. Hein. On touche quasiment Dijon. C'est sur Longwy, qui est en fait une ville limitrophe de Dijon. Il y a des lignes de bus qui desservent la salle avec un arrêt juste devant. C'est une salle municipale qui nous a été mise à disposition par la mairie de Longwy, qui appuie du coup le festival et puis qui a bien l'intention qu'on puisse le reconduire là-bas l'année prochaine. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, parce que jusque-là, c'était un peu compliqué pour trouver des disponibilités de salles. Et donc c'est une grande salle qui peut contenir 550 personnes avec une belle scène, tout ça, et on est en train de préparer un petit peu tout ce qu'on va mettre comme technique pour avoir un show d'enfer. Alors, une seule scène, bien entendu, et deux jours de festival. Avec combien de groupes? Alors, il y a au total 14 groupes. Le vendredi, ça commence vers 16h pour le premier groupe sur scène. Donc, il y aura 6 groupes le vendredi, dont Blasphème en tête d'affiche. Et le samedi, ça commence un peu plus tôt, puisqu'on ouvrira à midi avec le premier groupe à 13h sur scène. Et là, il y aura 8 groupes, et donc on clôture le festival avec Ross the Boss. Voilà, impeccable. Le Brother of Metal, enfin l'ex Brother of Metal. Ouais, il est toujours dans le trip Manowar, puisque justement, il nous fait un concert exclusivement rempli de covers de Manowar, si j'ai bien compris. Bah, c'est pas des covers en fait, puisque c'est lui qui les a quand même composés, ces morceaux. Donc tu peux même pas dire que c'est des covers pour le coup. Non, mais c'est des covers du groupe Manowar. Les 6 premiers albums, et donc en fait, il a co-composé avec Joey DeMaio les 6 premiers albums de Manowar, et donc en fait, il fait un set qui est composé exclusivement de ses 6 premiers albums en fait. Génial. Et en fait, cette tournée, parce que ça fait partie d'une tournée, hein, cette date à Dijon, c'est le Discipline of Steel Tour, et il y aura pas mal de dates. Et il y aura deux dates en France. Il y a quelques dates en fait en Allemagne. Hein. Ça a commencé juste après son apparition au Keep It True. Il avait fait ce set-là pour la première fois en version un peu allongée, il y a 2 ans, je crois. Et puis après, il a fait quelques dates en Allemagne et ensuite il s'est lancé effectivement dans une tournée. Alors il y a eu quelques changements quand même de line-up au cours de la tournée, avec notamment un nouveau chanteur qui a fait les dates espagnoles et qui du coup est resté là avec le groupe. Donc c'est Marc Lopez qui assure le chant. Il a fait quelques dates. Alors je t'entendais dire effectivement avec Rhino à la batterie, mais malheureusement Rhino là sera pas présent sur les dates françaises. On a eu l'annonce il y a quelques temps de ça. Il est remplacé par le batteur qui avait fait par contre le concert du Keep It True d'origine. D'accord. Bon bah alors c'est bien, il connaît les morceaux donc ça va. Oui, ah bah ouais. Et puis c'est un jeune, ça tabasse bien. Aucun souci là-dessus. Très bien. Eh bien, moi, ce que je vous propose, on va continuer, hein, mais ce soir, je vais vous proposer d'écouter Blood of My Enemies, qui est un titre de Manowar, mais chanté, en fait, par la formation de Rose the Boss actuelle. Donc, vous allez voir, ça change un petit peu. Ça sera pour tout à l'heure. On va parler un petit peu des... Alors, il n'y a pas de camping cette année. Il faudra aller à l'hôtel, en auberge de jeunesse, chez l'habitant. Est-ce qu'il y a de la place chez toi, Nat ? Bah écoute, non, chez moi il n'y a pas de place parce que j'ai ma belle-maman qui vient garder les enfants, on va tout faire. Hein. Même moi je suis mise hors de chez moi en fait pour l'occasion. Donc non, chez moi j'ai pas de place. Par contre il y a effectivement encore des places dans les hôtels alentours. On a notamment, nous on a fonctionné avec les campaniles de Dijon Centre et Dijon Gare en fait. Ils nous font un prix promo pour les festivaliers et puis c'est accessible assez facilement depuis le centre-ville de Dijon. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a un bus en fait qui ramène de la salle au centre-ville de Dijon. Donc on va dire pour les gens qui ne veulent pas s'enquiquiner avec la voiture, c'est ce qu'il y a sans doute de plus simple. Après, c'est vrai que pour le moment, il n'y a pas de camping sur place, mais c'était déjà le problème les autres années. Hein. Il n'y en avait pas non plus sinon, à proximité de la vapeur. Sinon, excuse-moi, il y a des ponts ? Il y a des, pardon ? Il y a des ponts par chez vous ? Bah, juste à côté, il y a un pont. Hein. Bah, c'est bon, on peut dormir. Il faut venir chercher un emplacement. Il faut juste amener vos cartons. Pour poser les voitures, il n'y a aucun souci parce que la salle est vraiment, elle n'est pas en pleine ville, elle est un peu excentrée, elle est à côté des terrains de sport, donc il y a des grands parkings et normalement il ne devrait pas y avoir de souci pour laisser les véhicules sur le parking et éventuellement rentrer en bus. On a lancé aussi un appel aux Longviciens et aux Dijonnais qui avaient éventuellement un peu de place chez eux si certains festivaliers hésitent à venir, cherchent de la place. Il ne faut surtout pas hésiter à mettre en fait des propositions de covoiturage ou d'hébergement sur la page Facebook du festival. Et puis nous, on essaye de relayer au maximum pour que ça s'organise bien pour tout le monde, quoi, et que tout le monde en profite. Très bien. On va parler maintenant du prix d'entrée à la journée, et puis pour les deux jours. Alors, le pass deux jours, il est en vente à 55 euros. Il sera en vente au même prix sur place. Il y a des places aussi à la journée en pré-vente et sur place qui sont alors à 29 euros, je crois, le vendredi, et 39 euros pour le samedi. Bon, impeccable, hein. c'est pas cher en plus pour la qualité de l'affiche, sincèrement, c'est donné. Disons que pour des groupes, ouais, je pense honnêtement, ça peut paraître cher à certains qui ont l'habitude de faire des concerts un peu moins, peut-être avec des groupes d'un peu moins grande renommée, mais bon, c'est vrai qu'il y a Rose the Boss, Chris X, Evil Invaders, c'est des groupes qui tournent quand même beaucoup, qui font pas mal de festivals, c'est des groupes qui assurent vraiment un spectacle de qualité, je pense qu'effectivement, ça vaut le prix pour le coup. Très bien. Eh bien, qu'est-ce qu'on aurait d'autre à rajouter, ma chère Nat ? Il y aura des gobelets, il y aura des t-shirts. Sur cette affiche. Oui, bien entendu. Mais on va en parler. Puisque sur cette affiche, ce soir, on a décidé. Alors, je vais te dire ce qu'on va diffuser, même si tu as dû le voir un petit peu sur Facebook, puisqu'on a mis un petit peu la programmation. On va vous diffuser donc Rose the Boss pour commencer avec Blood of My Enemies, comme je vous disais tout à l'heure, titre de Manowar, mais chanté avec la formation actuelle de Rose the Boss. C'est sorti, ça va sortir chez AFM en 2017, fin de l'année. Et le groupe a sorti deux albums déjà de Rose the Boss, un quatuor heavy metal formé en 2005 à New York. À la guitare, donc, on retrouve Monsieur Ross the Boss, qui fête ses 35 ans de carrière, hein, c'est ce qui n'est ouais, pas rien. C'est pas rien. Hein, c'est pas rien. Et eux, ils joueront donc en tête d'affiche le samedi pour un set spécial Manowar. Vous pourrez les retrouver pour tous ceux qui vont pas peut-être les rater au Rising Fête. Et ça, c'est bien dommage. Normalement, ils devraient jouer le 22 à Paris, mais à la Maroquinerie. Alors là, c'est incertain puisque tous les concerts de la Maroquinerie ces derniers temps ont été annulés pour des problèmes d'infrastructure de la salle, hein, des problèmes techniques. Puisque le concert d'Agnostic Front et de Satyricon, je crois, ont été annulés. Donc, est-ce sais, que celui-ci... Tu sais par rapport à quoi, ça bah, je viens de te le dire. Problème technique dans la salle, j'en sais rien. Je ne sais pas plus. On ne nous a rien donné de plus. Donc, je ne sais pas si ce concert de Wrath the Boss aura lieu le 22-10 à Paris. Alors, on est sûr qu'il aura lieu près de Dijon, à Dijon. Donc, allez le voir au Rising Fest. Nous enchaînerons ensuite avec Evil Invaders, qui nous a sorti un album qui s'appelle Feed Me Violence. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle As Life Slowly Fades. C'est sorti... Non, ça va sortir, en fait. Ça a été reculé. La date de cet album a été reculée. Ça sortira le 10 novembre. chez Napalm Records. C'est le quatrième album du groupe, il contient 9 titres. C'est un quatuor de speed metal formé en 2007. Ils nous viennent de Belgique. Ça tombe bien, on adore les dracars. Les dracars belges. Et eux, ils joueront le vendredi, c'est ça ma chère Nat? Ouais, c'est ça, ils joueront avant Blasphème le vendredi, donc vers 19-20h si mes souvenirs sont bons. Nous enchaînerons ensuite avec Crisis, sorti de leur album Rise Then Rest. Et le titre que je vous propose de découvrir, bah, c'est le titre éponyme de l'album. Sorti chez Calovas Records en 2013, c'était le deuxième album du groupe. Il contient 11 titres et le groupe a sorti 3 albums plus une démo. C'est un sextet de thrash metal formé en 2008 et ils nous viennent d'Espagne. Olé ! Ça va chauffer. Ils déboîtent vraiment. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de les voir en concert quand ils avaient fait la tournée justement avec Evil Invaders, mais c'était franchement excellent. Ils ouvraient et ils ont mis tout le monde à genoux dès le premier concert, quoi. En tout cas, ce sera à découvrir. C'est au Rising Fest et ils joueront eux le samedi vers quelle heure? Le samedi, ils jouent avant Rose the Boss, donc j'ai pas les horaires, je t'avouerai, en tête sous les yeux, je crois qu'ils jouent vers 20h30, 21h. Très bien, donc ça, ce sera le samedi, ne ratez pas Crisis. Et nous terminons cette première plage musicale avec Dust Bolt, tiré de leur album Mass Confusion, qui est le dernier album du groupe sorti chez Napalm Records en 2016. Le titre que je vous propose de découvrir, c'est Allergie. Et c'est le troisième album du groupe, il contient 12 titres et ils ont sorti auparavant un EP. Voilà, c'est un quatuor de thrash metal formé en 2006, ils nous viennent d'Allemagne, de Munich, la patrie de la bière. Et ils seront donc au Rising Fest 6 le vendredi. C'est ça ma chère Nat, je me trompe pas? Oui c'est ça, bon. C'est ça le vendredi. Et bien ce que je te propose c'est qu'on parte en musique et puis on te retrouve tout de suite après après ces 4 titres là. Et on se retrouve après pour parler de la suite de la programmation du festival. Ça te va ? Ça marche. Allez, okay. Musique, c'est parti. 06 81 01 28 34. Eh bien, nous, on vous offre comme ça, avec l'autorisation de Nat, bien sûr, une place pour aller au Rising Fest. Alors, vous choisissez soit le jour de votre choix ou un pass de jour. On n'offre pas l'hôtel. Hein. C'est juste pour vous le dire. On n'offre pas l'hôtel. On vous offre juste une place. Le pont, on vous l'offre. Ouais, tout à fait. Voilà, donc vous pouvez nous joindre au 06 81 01 28 34. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir donner comme question? En quelle année a été créé le Rising Fest? La première édition du Rising Fest. Il y a peut-être un petit piège, hein, parce qu'il y a une édition qui n'a pas eu lieu. Allez, musique, et on se retrouve tout de suite après. Bon. Light.

retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Roquefort Show. J'espère que vous en avez pris plein les oreilles, à défaut de plein les yeux. Les yeux, ce sera bientôt Rising Fest. Nat, tu nous rappelles la date du concert, vendredi, samedi, dans deux semaines, c'est ça ? C'est ça, vendredi 20 et samedi 21 octobre. Alors, ouverture des portes pour le 20. Donc, ouverture des portes le vendredi à 15h, avec le premier groupe sur scène à 16h, le temps de faire rentrer tout le monde. Mmh. Et le samedi, ouverture des portes à midi, parce qu'en fait, on propose exceptionnellement à la restauration du bœuf bourguignon à midi et demi. Oui, le manger du bœuf bourguignon. Je viens, j'arrive, je cours, je pars tout de suite. Bon, là, j'ai mon technicien, il en peut plus, il me dit, est-ce qu'on peut y aller que pour le bœuf bourguignon ? Bon, non, Tom. Non, il va falloir que tu bouffes du métal aussi. Oui, avec Rock the Boss, que l'on vient d'écouter. Nous venons également d'écouter Evil Invaders et c'était suivi de Crisis et nous avons terminé avec Dust Bolt. Et là, ce que vous entendez en fond sonore, ce sont nos Furies préférées. Hein. Elles étaient 5 au départ, ma mémoire est bonne. Oui, elles étaient 5 femelles en fusion et maintenant elles ne sont plus que 2. Mais... Moi, j'en ai connu que 4, Phil. T'en as connu que 4, oui, mais... Quand elles étaient venues, elles étaient que 4. Oui. Ouais, mais il y en avait une qui était pas là, non, c'est un truc. Non, elles étaient que 4. T'as peut-être raison. Hein. C'était peut-être un quatuor déjà, puisque Linda Basschamp, maintenant... à remplacer déjà. Et puis il y a deux autres mâles. Bon alors moi ça me plaît moins quand il y a des mâles. Je t'avouerais que je préférais quand ils étaient quatre filles. Tu préférais toi aussi. C'était sympa quand ils étaient mâles. C'était pour la parité, Phil. C'est important la parité. C'était à l'époque, c'était il y a 2 ans déjà. Regarde, pense à nous. Non, c'est pas vrai, c'est pas faux. Ouais mais hey, Nat. Hey, y a plein de poilus, plein de chevelus dans toute cette affiche. Y a très peu de nanas à part les Furies. Je crois que c'est le seul groupe où il y a des chanteuses, non? Cette année, oui, mais bon, on essaye toujours d'avoir un groupe avec des musiciennes. Ça fait partie un peu des critères sur l'affiche du Rising Fest, puisqu'il y a 2 ans, on avait les Lizzie, les petites espagnoles, oui. On avait Elven Storm aussi avec Laura au chant. Mm-hmm. On essaye toujours effectivement de remettre un peu les filles en place sur ces affiches, parce que je trouve qu'on les voit pas assez en général. Ouais, il faut les mettre à l'honneur, tu as tout à fait raison. Furies, on va y revenir. C'est une autoprod sortie en mai 2017. C'est un quatuor de heavy metal. Mixte, donc à voix féminine, la voix de Linda Bastard. Et à la batterie, nous retrouvons. Roxy Velour. Par contre, les mecs, j'ai oublié un peu. Hein. Je suis désolé. Je sais qu'il y a un musicien de The Four Horsemen dedans, c'est ça ? Je me trompe pas ? Hein, Nat ? Alors écoute, je t'avouerai que je ne les connais pas personnellement et que je n'ai pas... je ne sais pas. Tout ce que je sais, moi, c'est ce que j'en ai entendu, ce que j'en ai vu, et c'est excellent. Après, c'est vrai que c'est excellent. CV complet, j'avoue, je ne sais pas. Bon, voilà. En tout cas, le groupe s'est formé à Paris en 2013. Ils ont sorti un EP, plus une cassette de titres. Ben, ils se foulent pas, hein, les Furies. Hein. Heureusement que sur scène, ça déménage et qu'ils nous font... Ouais. Et puis ils nous font plein de petites reprises sympas. On peut avoir du sortilège, on peut avoir du blasphème. Enfin bref, elles ont quand même plusieurs cordes à leur arc, c'est assez très bien. Et elles seront donc à l'affiche le vendredi, donc dans l'après-midi. Hein, donc, et là, on va vous parler. Même en début de soirée, puisqu'elles jouent avant Evil Invaders, entre Dust Bolt et Evil Invaders, histoire de mettre une touche un peu plus heavy entre les deux. Mmh. Donc elles seront sur scène vers 19h30, 19h20. Très bien. Nous allons continuer avec que des groupes français, puisqu'on a parlé des groupes un petit peu étrangers, et il y en a d'autres, hein, on va tous vous les citer tout à l'heure, puisqu'on a la liste sous les yeux, et c'est Tom qui vous donnera les noms tout à l'heure. Mais là, on va continuer avec Lone Wolf que vous avez pu apprécier, découvrir, voir, avec ADX, notamment à Grenoble, mais également au Paris Metal France Festival. C'était leur première fois, hein, au Paris Metal France Festival, et ça a défrayé la chronique. Leur nouvel album s'appelle Raised on Metal. Ça sort chez Massacre Records le 22. C'est sorti le 22 septembre dernier. Excellentissime album. Il contient 10 titres plus 2 bonus pour ceux qui ont la version Digipack. C'est un quatuor de heavy metal. Ils se sont formés en 1992. Ils nous viennent de Grenoble et ils ont été surnommés les Running Wild français. Tout ça, c'est Lone Wolf, et c'est à découvrir au Rising Fest, et ils sont vraiment adorables en plus, ce sont des gens charmants, et ils joueront le samedi, Nat. Ouais, ils joueront le samedi à 18h45, juste avant Crisix, Et c'est vrai que pour moi, c'est voilà, c'est, ça fait partie de ces groupes français qui méritent vraiment, vraiment, vraiment d'être connus par le public en France, parce qu'à l'étranger, ils le sont déjà. Et ils ont vraiment la carrure pour bien tourner un peu partout. Donc voilà, on est bien contents là, de les avoir. Et puis, du coup, c'est un peu un show un peu longue durée, parce qu'ils ont 1h15 de jeu, ce qui est assez rare en plus ces derniers temps en France. On les a pas vus jouer en général plus de 45-50 minutes. Donc là, 1h15, ça promet déjà une belle setlist. Ouais, très bien, super. Ils chantent en anglais, j'ai oublié de vous le préciser quand même. Hein. Par contre, là, un groupe qui chante en français, qui vient, qui arrive là à pas de loup, c'est les Shoelager, hein, que l'on avait découvert à Vouziers, il y a quelques années. Et ils ont sorti un nouvel album en 2016 qui s'appelait Veuve Noire. Donc le titre, bah, tout simplement, je vous propose de découvrir le titre qui ouvre cet album et qui s'appelle Veuve Noire. C'est sorti chez Brennus, c'est le troisième album du groupe, il contient 10 titres, un magnifique digipack. Ils étaient venus nous le présenter dans le Rock for Show ici en direct et c'était vraiment un très très bon souvenir. Depuis, le groupe s'est séparé de quelques membres, mais ils ont retrouvé bien évidemment du nouveau personnel pour continuer l'aventure heavy metal en français. Le groupe s'est formé en 2000 et ils nous viennent de Châlons-en-Champagne et ils seront le vendredi au Rising Fest. Vers quelle heure, Nat ? Voilà, vers 17h. Très bien. C'est le deuxième groupe de la journée du vendredi. Bon, ne les ratez pas, franchement, parce que ça vaut le déplacement. Et en plus, vous allez voir le nouveau line-up. Vous allez découvrir le nouveau line-up. Ça va être super. Et puis, je crois qu'il y a des nouveaux t-shirts aussi. Donc, n'hésitez pas. Nous enchaînerons. C'est un très très bon groupe de scène aussi, hein, pour le coup, qui se déplace. En plus, ils ont une belle fanbase, hein, quand même. Ils ont vraiment leurs fans qui les suivent quand même pas mal. Et c'est vrai que Shoelager, pour ça, on est bien content de les accueillir cette année, enfin, parce que ça faisait quelques années qu'on en parlait. Et donc cette année, c'est la bonne. Un groupe méritant. Un groupe très méritant également, qui nous revient de l'âge de pierre. Pierre, pourquoi? Oui, c'est moi. Pourquoi je dis de l'âge de pierre? Tout simplement parce que Monsieur Pierre Holzhauser est le guitariste de ce groupe, qui se nomme Blasphème. Blasphème, avec l'album Désir de Vampire, deuxième album du groupe, qui était sorti en 1985 chez Lizard Records. Le titre que je vous propose de découvrir ce soir, c'est Taxer le Peuple. Je pense que c'est totalement d'actualité, déjà en 85, mais encore plus aujourd'hui. Deuxième album du groupe, il contenait 10 titres déjà à l'époque, et le groupe a sorti 3 albums, plus un album live. C'est du heavy rock, metal, hard rock, comme vous voulez. C'est un quatuor qui s'est formé en 1981, sauf que aujourd'hui à Paris, ce n'est plus un quatuor, mais un quintet à deux voix. La voix de Alexis, alias Warnabot chez Hurlement, et Olivier Delval, alias Olive, chez Shannon, et puis d'autres groupes, puisqu'il a joué aussi au Paris Metal France Festival, avec Face to Face. Et ils seront, eux, les Blasphèmes, en tête d'affiche, c'est ça, le vendredi? Oui, c'est ça, parce qu'en général, le vendredi, on essaye d'avoir justement une tête d'affiche française avec un groupe culte, et puis bah, Blasphème, c'est quand même un groupe mythique sur la scène française, et lui, donc ils seront sur la scène à 22h05 pour la tête d'affiche du vendredi soir. Alors ne les ratez pas, hein, parce qu'on ne sait jamais avec ces groupes old school, combien de temps encore vont-ils rester sur le devant de la scène. Et bon, je sais qu'il y a quand même quelques dates, notamment une qui a été annoncé là récemment, puisque ce sera en 2018 à Vouziers. Blasphème, vous les retrouverez là-bas. Et bon, ça peut être sympa, mais allez les voir au Rising Fest, ne les ratez pas. Nous terminons. En Bourgogne, il n'y aura peut-être pas beaucoup d'occasions de les voir, parce que je me disais qu'ils n'ont pas joué en Bourgogne depuis le siècle dernier. Depuis la reformation, ils ne sont pas venus jouer en Bourgogne, et je pense que du coup, ce sera sans doute leur seule date bourguignonne de cette époque plus récente. Bon, très bien. En tout cas, je pense que ce sera un très très bon concert, parce qu'ils attendent ça avec impatience. Nous terminerons avec un groupe que nous avons découvert au Pyrénéan Warrior of Metal Festival il y a 2 ans. Le groupe s'appelle Tentation et ils sont venus jouer au Paris Metal France Festival en janvier dernier. C'est la première fois que nous les faisions jouer et ils sont venus et ils seront donc le c'est quand qu'ils seront ? C'est le samedi, hein ? C'est ça, c'est le samedi. Samedi. Samedi à 15h sur scène Tentation. Voilà, avec l'album Tentation, le morceau que je vous propose de découvrir, c'est Brixies, sorti chez Inferno Records en 2012, mais ça a été tiré d'un EP 6 titres à l'époque, mais l'album est ressorti avec 3 titres supplémentaires en 2017. Donc voilà, précipitez-vous sur cet album. C'est un quatuor de heavy metal qui nous vient de Perpignan et c'est tout simplement excellent. Voilà, on va parler des autres groupes. Nat, tu vas nous les citer si tu les as, sinon c'est Tom qui le fait, c'est comme tu veux. Eh ben écoute, je crois que tu n'as pas cité Hurlement. Non, mais on les a cités la semaine dernière. Et c'est pour ça que je ne les ai pas cités cette semaine. Eh ben écoute, donc voilà, on aura Hurlement à 17h le samedi. On a également à l'affiche Bloodlust, qui est un groupe suisse de thrash, un peu dans un style Slayer un peu ancien. Ça, c'est bien sympa. Et pour l'ouverture du vendredi à 16h, ce sera Warface, un groupe qui nous vient de Nancy et qui fait aussi du trash moderne, là, pour le coup. Et attends, qui j'ai oublié dans Born Again série. Non, j'ai oublié personne. Il reste Taylors, le groupe de Longvie, qui ouvrira le samedi. Donc ça, c'est un groupe local de hard rock, hard prog, en fait, plutôt heavy prog. Et puis Born Again, qui joue à 13h55 le samedi. C'est le deuxième groupe de la journée du samedi. Born Again, ils viennent de Besançon. Et en fait, c'est des... Besançon. Tu as déjà eu l'occasion d'en parler, mais pour le coup, c'est, on va dire, des vieux briscards de la scène. Parce que c'est vrai que c'est quand même des habitués de la scène, mais qui viennent de sortir leur tout premier album, qui est excellent. Donc on enregistre un peu à la fois heavy, un peu rock'n'roll motorédien, et moi j'aime beaucoup. Ouais, l'album s'appelle Strike with Power. C'était donc Born Again. Vous les entendrez un petit extrait tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, on vous les passera. Ils viennent de Besançon, ouais, tout à fait. Nat, une très très belle affiche en tout cas. La sixième, on espère qu'il y aura une septième, une huitième, une neuvième, jusqu'au 10, aux 10 ans, parce qu'on aime bien fêter les chiffres ronds. Donc 10 ans, ça... non, ce sera pas tout à fait 10 ans. Enfin, on dit pas parce que c'est la question, donc... Non, j'ai demandé en quelle année a été. Ah oui, mais justement, hein, si tu... c'est pour ça, la 10e édition, ça sera. Mais oui, mais il y a eu une édition qui a sauté. Donc voilà, il faut trouver l'année. Il y a déjà un gagnant. Hein. De toute façon, on a déjà une personne qui a trouvé. Oui, mais s'il y a 2, 3, mais... on peut faire donc, vous pouvez donc nous appeler au 06 80 01 28 34. Voilà, pour rafler ces places. Pour aller au Rising Fest qui aura lieu le 20 et le 21 octobre prochain. Donc c'est dans 2 semaines. Nat, on va te faire des gros bisous. Hein, bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour m'avoir convié pour la présentation du festival. Et puis bah, moi aussi j'espère qu'il y aura d'autres éditions. On espère que celle-là va être un grand succès, parce que c'est vrai que c'est un peu un challenge pour tous les organisateurs d'une manière générale en France d'organiser des dates de heavy. Je pense que tu le sais bien. Donc voilà, on vous attend nombreux. Et puis en tout cas, nous, tout ce qu'on sait, c'est qu'on est prêts. Et puis surtout, on a envie d'aller faire la fête. Donc ce sera de toute façon forcément une très belle édition. Alors on a juste pas dit où pouvons-nous acheter les places. Alors les places sont en vente sur le réseau With Event, en fait, pour les acheter en ligne directement sur la plateforme. C'est là où il y avait un peu le moindre coût de location, on va dire. Donc via la page le site de l'association, enfin le site du Rising Fest, risingfest.com, il y a un lien vers la billetterie. Sinon, elles sont aussi en vente dans le réseau France Billets, c'est-à-dire les magasins Fnac, Carrefour. Donc on peut les acheter en billetterie Fnac et Carrefour. Et pour les Dijonnais, on peut les trouver aussi dans deux bars Dijonnais, à l'Entre-deux-Mondes et au Poulintis, où là il y a des billets collecteurs en vente. Il en reste encore une petite poignée. Nat, je crois qu'on a tout dit. Et pour ceux qui veulent encore d'autres informations, 06 81 01 28 34. Sinon, vous allez sur la page Facebook du Rising Fest ou sur risingfest.com, qui est la page officielle du site du Rising Fest. Et puis, bah, on vous donne rendez-vous le 20 et le 21 près de Dijon, à Longvic. Et bien, restez métal, bien sûr. Et oui. Nat, merci, Phil. On te fait des gros bisous. À bientôt. Bye bye. Allez, nous, on s'écoute dans la foulée Lone Wolf. On continuera avec Shoreyer, Blasphème, et on terminera avec Tentation Musique. Into horror, into Studio, oui, Born Again en fond sonore. Groupe qui sera à l'affiche, ainsi que les 13 autres groupes du Rising Fest numéro 6, près de Dijon, à Lonvic. Je ne sais pas si on dit le C, mais moi je vous le dis. Voilà, donc ce sera le 20-21 hein, octobre, pour tous ceux qui veulent gagner des places. Bien sûr, par tirage au sort, hein, puisque là vous êtes quand même assez nombreux ce soir. Vous envoyez petit SMS, quelle est l'année 06 de... 84 10, merde, c'est bien ça. 06 080 01 28 34, quelle est l'année de création du Rising Fest. Et vous trompez pas, hein, y a un piège dedans. Un et un 2. Hein. Chez moi, un et un, ça fait 2 vraiment. Donc voilà. Ce que vous entendez en fond sonore, donc le groupe s'appelle Born Again, tiré de l'album Strike with Power. Sorti chez Massacre en février 2017. C'est un quatuor de heavy metal formé en 2016. Ils nous viennent de Besançon et ils seront donc samedi au Rising Fest numéro 6. Nous allons maintenant passer à nos invités, le deuxième invité de la soirée, mais pour l'instant, nous allons écouter d'abord de la musique. Ils viennent de Besançon ? Non, ils viennent pas de Besançon, ils viennent de Marseille. Ah. Marseille ou la Canebière. Ah, la Canebière. Hein. Le groupe s'appelle Z Family. On vous en a déjà parlé hein, dans les semaines précédentes, puisque la semaine dernière, ils étaient au Dr. Feel Good en Release Party. Et nous, on était là. Comme et nous, on était là. Ah, non, pas comme non, des parce qu'on a passé une excellente journée, avec, soirée avec Dreamcatcher. Ouais, avec alors, une petite session live qui est d'ailleurs en ligne sur le Facebook du Rock for Show. Et je l'ai vue, elle est très belle. Oui. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Eh ben, on a été faire un petit resto après. Non, c'était sympa. Et la semaine prochaine, bah, on fait la même chose, mais avec Attraction Theory. Donc, nous allons écouter un titre de Z Family tiré de leur EP qui s'appelle Chapter 2 Origin. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir, c'est le titre de leur vidéo qui s'appelle Inkhead and Electric, sorti chez MEO Music. Le 29 septembre, c'est le deuxième EP du groupe, celui-ci il contient 7 titres. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Bah, c'est le nouveau projet du guitariste, l'ex-guitariste d'Agoba, qui s'appelait Zed. On en reparle tout à l'heure, pour l'instant on écoute de la musique, et on se retrouve avec Zed au téléphone tout à l'heure. Musique! Eat this. De retour dans le studio, vous êtes à l'écoute du Rock 4 Show sur Radio Biz. Et il y a des Z partout, même la famille. Rien, la famille Z. Family Z. Z Family. Il y a des Z Biz. Z Family même en plus. Hein, Z ouais. Family. Bonsoir à toi Z. Salut, salut à tous. Comment vas-tu bien? Très très bien, écoute. Très bon, il y a du soleil à Marseille. Et comme toujours. Hein. Et oui, bon. Très belle journée, mois de novembre, mois d'octobre. Il fait tellement beau là-bas qu'il se croit déjà au mois de novembre. Eh, c'est dingue ça. Eh, mais c'est dingue. Bah, il va pas trop vite. Attends, encore en octobre, pas en novembre. Hein. Ouais, non, je crois que Z est pressé d'être à Noël, surtout. Hein. Pour... C'est pas faux, ouais. C'est hein vrai que... Ouais. Pourtant, il y a déjà eu un beau petit cadeau là. Il n'y avait pas de sapin de Noël, mais il y a eu quand même un magnifique nouvel épisode, hein, puisque c'est le chapitre 2 qui s'appelle Origine du Z Family. Alors, on va en parler un petit peu parce que c'est signé chez nos amis de MEO Music. C'est sorti le 29 septembre. Et la semaine dernière, vous étiez à Paris pour la release party. Alors, tu vas nous en parler parce que nous, on n'a pas pu venir parce qu'on était ici dans l'émission, comme tous les jeudis. Comment s'est passée cette release party? Bah écoute, ça s'est super bien passé. On était vraiment contents parce que en fait, on était donc au concert à Paris et on était les seuls à jouer déjà lors du concert. Donc quand on est seul, quand on vient de pas de Paris et de Marseille, donc à l'opposé, donc on a, en général, quand on joue aussi loin, on prend des groupes locaux pour jouer avec nous, pour que ça ramène encore plus de monde. Donc là, sur ce coup-là, c'était pas le cas, on était seuls. Et malgré tout ça, les gens sont venus. Il y a eu pas mal de presse, pas mal de public. On commence à avoir une bonne fanbase sur Paris, quoi. La salle était pas mal remplie. Et donc, bon, voilà, rien que ça, on est super contents. Et puis on n'a pas arrêté de la journée. C'est-à-dire, on est arrivé, on est parti de Marseille le matin, on est arrivé en fin d'après-midi. Et à partir de ce moment-là, jusqu'à la fin du concert, on n'a pas arrêté. Ça a été interview, petite balance rapide, on monte le stand, concert, et on n'a pas vu le temps passer. On avait même des repas prévus, offerts par le Dr. Feelgood, qu'on a complètement zappé, on n'a même pas bouffé, quoi. Bon, alors en tout cas, ce soir, j'espère que tu as mangé, hein, parce qu'il est un peu tard là déjà. Et nous allons parler donc de ce nouveau chapitre de Z Family. Tout d'abord, le groupe s'est formé à la suite de ton départ de Dagoba. Sur quelle motivation musicale as-tu formé Z Family? Alors en fait, on n'a pas formé le groupe suite au départ. J'étais encore dans Dagoba quand j'ai commencé le projet. Mmh. Mais c'était vraiment, c'était quoi, six mois avant la fin. Mmh. Et en fait, la motivation principale, c'était que dans Dagoba, si tu veux, j'étais vraiment que interprète. C'est-à-dire que c'est comme ça depuis des années. C'est Shouter, le chanteur qui compose tout. Et c'est son petit bébé, c'est lui qui a toutes les... qui a tout en main. Hein, quoi. C'est, toutes les ficelles. Quoi, et si tu veux, moi je suis quelqu'un de très créatif et j'ai vraiment ce besoin d'écrire. C'est quelque chose j'ai besoin de ça pour être heureux. Donc à la base, c'était pour avoir tout simplement un projet parallèle de Dagoba où je pouvais m'exprimer au niveau de l'écriture en fait. Et ce projet parallèle est devenu un projet à part entière et suite à mon départ du groupe en fait. Très bien. Alors, on va rentrer. On sait que c'est Marseille. Marseille, on se la coule douce quand même à Marseille. Parce que sortir deux EP seulement, et pourquoi pas deux albums? Ben en fait, il fallait bien commencer par quelque chose. Après, c'était comme si tu veux, le groupe, à la base, c'était mon désir à moi vraiment d'écrire. J'étais parti sur un projet. À la base, c'était pratiquement un album solo en fait. Mmh. Donc si tu veux, pour lancer le groupe, au début, c'est moi qui ai tout financé. Et financer tout un album, tout un studio, en fait, les studios, les prises, les pochettes, tout ça, en fait, seul, forcément, ça revient moins cher quand tu fais un peu moins de titres que si tu fais un album complet. Après, Bon, après, le truc à noter, c'est que voilà, par contre, on a pas tardé. C'est-à-dire que le premier EP, il est sorti fin 2015. Mm-hmm. Voire vraiment, il a commencé à être là. C'était fin 2015, début 2016. Et puis, on a sorti quand même assez rapidement. Ouais, voilà, un an, un peu plus d'un an à peine, le deuxième. Et c'est clair que pour certains, ça peut paraître un peu long, mais le temps de tout mettre en place, de trouver de réussir à financer tout ça, d'écrire, de faire les prises, et ça prend du temps, quoi, avec les disponibilités des gens avec qui on a bossé. Et donc voilà pourquoi deux EP. Et voilà, on s'est laissé aussi une petite marge de progression, c'est-à-dire que le premier, il avait 5 titres, et là, sur le deuxième, on passe à 7 titres. Et le prochain, ce sera un album. Hein. Alors, le premier s'appelait Born From Noise, né pour faire du bruit. Et celui-ci s'appelle Origine. Alors, parle-nous un petit peu des dessous d'Origine. Que pouvons-nous retrouver au niveau des textes à l'intérieur de Origine? Et est-ce que ça a été un travail plus de groupe que d'un travail personnel, ou est-ce que c'est vraiment un travail personnel que tu as fait sur ce deuxième EP? Alors, sur le deuxième EP, en fait, comme sur le premier, vraiment tout ce qui est musique, instrument, c'est moi qui ai tout fait à 100%. C'est-à-dire, comme je te disais au début de l'interview, c'est vraiment mon plaisir d'écrire. J'ai besoin d'écrire la musique, en fait. Donc, tout ce qui est instrumental, les guitares, la batterie, même certaines lignes de basse, tout ça, c'est tout moi qui ai écrit. Après, bien sûr, chacun des musiciens rajoute un peu sa petite patte, quoi. Hein. Bien sûr, je fais pas au break près de batterie, donc le batteur a posé ses breaks, le bassiste a un peu modifié les lignes de basse. Et au niveau de, donc, moi je m'occupe de toute la musique. Par contre, toute la partie mélodique et l'écriture des textes, c'est tout Pedro, en fait, le chanteur, qui s'en occupe. Donc, si tu veux, c'est du 50-50, quoi. Moi, je m'occupe de toute la musique. Et Pedro, il s'occupe de tout ce qui est lyrics, les mélodies du chant. Et ça tombe bien parce que, justement, ça, je suis incapable de le faire, quoi. Très bien. Et peux-tu nous parler un petit peu des textes, de ce qui est raconté dans ce Origine? Alors, au niveau des textes, comme je t'ai dit, c'est Pedro qui écrit tout. Après, moi, ça n'empêche pas que je donne la trame de fond. C'est-à-dire, tel morceau, je lui dis, ça serait bien que ça parle de ça, celui-là, d'autre chose. Donc, en fait, dans les textes, nous, Z-Family, on parle essentiellement, en fait, de nos vies, de nos sentiments, des certaines expériences de vie. Et ça peut être des expériences de vie qui sont heureuses, ou des trucs, des passages où on a un peu plus le blues. Donc, par exemple, si je te prends Big Gun Player, c'est une chanson plutôt joyeuse. C'est un hommage à Guns N' Roses. C'est un peu, on est là pour, ça parle vraiment de tout ce qui est de faire la fête, de l'attitude rock'n'roll, de toutes ces dérives. Après, il va voir la chanson, par exemple, comme Animal, c'était plus un hommage, en fait, un ami qu'on a perdu, qui est décédé, en fait, le jour où j'ai composé le morceau. Donc en gros, ça parle vraiment de nos vies. Inked and Electric, ça parle des tatouages. On est tous tous tatoués dans le groupe. C'est, pour moi, c'est une passion. Je travaille beaucoup dans les conventions de tatouage. Et de manière générale, c'est vraiment on prend pas de truc, il y a rien de politique ou tout ça. C'est vraiment nos vies, nos expériences, quoi. Très bien. Eh bien, comme tu nous as parlé du titre qui était Big Gun Player, c'est justement le deuxième titre qu'on a choisi ce soir. On avait choisi le premier, Inked and Electric. On a passé en fond sonore Animal, et on va passer tout de suite maintenant Big Gun Player. Et avant ça, par contre, tu vas nous donner quelques petites dates de concert où on pourra pouvoir voir Z-Family prochainement. Alors, au niveau des concerts, on a déjà énormément tourné toute l'année, passée, 2017. Mm-hmm. On a fait vraiment beaucoup, beaucoup. En cette fin d'année, il nous reste, on va partir le jeudi 26, où on sera à Miramas, à l'Electrode, avec nos copains de Seeds of Mary. Mm-hmm. Bon, un super groupe de grunge metal moderne. Le 27, on sera à Fréjus, au Monster Art, pareil avec nos amis de Seeds of Mary. Et le samedi 28, on sera à Marseille chez nous à la Maison Hantée. Donc ça sera pas un concert à part entière. Ça sera en fait une sorte de release party où on s'occupera nous, en fait, ce sera une soirée Z Family où on passera nous la musique qu'on veut, on sera voilà, c'est nous qui aurons la soirée en main, on jouera pas. Et on va animer la soirée avec la présentation de l'album à tous nos amis de Marseille. Et puis je vais faire un peu le DJ Z, quoi, comme on dit. Et puis voilà. Après au niveau des dates, on va faire une petite pause parce qu'on a déjà, comme tu disais, pour l'année 2017, bien joué dans toute la France, du nord au sud, à l'ouest, à l'est. Donc on va faire une petite pause de le temps de finir les fins d'année, justement Noël, tout ça. Et puis on va repartir sur 2018 où il y a pas mal de gens qui nous ont contactés. Et là, j'ai pas encore les dates, mais on est en train de booker pour Lyon, Toulouse, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne. Il va y avoir tous les festivals où on a déjà eu 2-3 contacts. Mais j'ai pas encore les dates précises, tu veux, c'est en cours de booking en fait. Très bien, eh bien on vous tiendra au courant de toutes les dates qui tomberont sur le téléscripteur du Rock 4 Show. Ça sera le jeudi soir, restez à l'écoute tous les jeudis de 19h30 à 21h30 sur Radio Biz. On vous reparlera de Z Family parce qu'on a aimé, parce que déjà on vous a passé 3 titres et on vous passera certainement le reste. Il y en a 7 hein, des titres, ah, c'est bien, vivement l'album prochainement. L'album s'appelle Chapter 2, l'origine. C'est sorti chez MEO Music le 29 septembre dernier. Mettez-vous ça entre les oreilles. Big Gun Player. Merci à toi, Z, et bonne soirée. Merci à vous, bonne soirée à tout le monde. Down in the city, in beginning is tomorrow. retour dans les studios pour la fin de cette émission. Vous êtes en train d'écouter. Bah, c'est Brig Gaverno. Alors, je me trompe toujours. Je mets le R là où il faut pas. Hein. Donc, c'est Brig Gaverno. Voilà. Et c'est breton, je crois. Ah, mais en fait, tu te trompes quand tu le marques alors. Voilà, c'est Gaverno. Ouais, parce que Gaverno, ça peut pas. Gaverno, c'est ça fait Gaverno. Plus, ça fait plus breton. Hein, voilà. Déjà. Hein. Je te remercie, Phil, de mettre la Bretagne à l'honneur. Voilà, c'est Gaverno. Et tout en mettant à l'envers. Mais ça, c'est... Tiré de l'album Valgory, sorti chez Do It en 2016. Et ils nous viennent de Saint-Brieuc. Voilà. Ah, toi aussi, tu en viens, tiens, d'ailleurs. C'est du hard rock progressif, stoner, rock progressif, breton, sound avant-gardiste, musique. Voilà. Et ils seront au Samhain Festival. Ça a lieu quand, ça, mon cher? Les 27 et 28 octobre 2017, dans 15 jours. Voilà. Voilà. Et on vous en a déjà passé 3 titres la semaine dernière, ou 4 titres. Là, on ne pourra pas vous passer 3 titres, puisque c'est la fin de l'émission. Mais on va vous passer un autre groupe qui aura lieu, qui jouera. Hein. Et le groupe, c'est Yugal. Yugal, c'est sorti chez Do It aussi en 2016. C'est un quintet de death thrash metal formé en 2010. Ils nous viennent de Vannes, donc ils sont régionaux de l'étape. Hein, c'est comme ça qu'on dit. Le titre que je vous propose de découvrir est un titre de Chaos and Harmonie, et il s'agit de Heavy Mental. Et on terminera, parce que j'y tenais vraiment, avec un truc un peu disco. Et c'est normal, ça s'appelle Disco Naked. Hein, et le titre s'appelle The Wolf Return, tiré de l'album Vision Division, sorti chez Do It le 11 octobre, c'est-à-dire hier, quoi. Hein. Et c'est un EP de 5 titres. Ils nous viennent de Paris. Le groupe s'est créé en 2015. Et c'est un trio inspiré du heavy rock 90 à chant clair. Voilà, c'est bon, on a tout dit. C'est rock, c'est fort, c'est chaud. C'était le Rock for Show. Et la semaine prochaine, on se retrouve avec Attraction Theory. Allez, bye bye.